Ils sont là tout autour de nous. On les devine parfois. Ils nous attaquent, on les chasse, on les mange, ils nous dévorent. On les voit peu, mais on les entend. Pas si bête, une chronique sur le monde sonore animal. Aujourd'hui, le grillon Lernaeca. Quelque part en Guyane, des oiseaux, des grenouilles, des insectes. Et au milieu de ce concert, le Lernaeca, un tout petit grillon d'un centimètre et demi dans la couleur, semblable aux feuilles mortes, lui permet de se fondre dans son environnement. C'est à son chant qu'on peut le repérer. Seul le mâle chante. Il relève au-dessus de son corps une première paire d'ailes, qu'il ouvre, referme, puis rouvre à toute vitesse, produisant alors cette stridulation. Ce son n'est autre que le frottement du rebord dur de l'aile gauche contre une sorte de petit peigne situé sous l'aile droite, un peu comme si un ongle de pouce frottait rapidement les dents d'un instrument. Mais pourquoi, alors que cette forêt est pleine de prédateurs, le Lernaeca choisit-il de se faire remarquer en poussant un son si long et puissant? La reproduction, bien sûr, car ceci est un chant de séduction censé attirer les femelles à distance. Un chant qui dit à peu près ceci. Écoutez-moi, je suis là, parfaitement prêt à me reproduire, y aurait-il une femelle réceptive par ici? Il faut dire que tous les efforts déployés par le mâle ne seront peut-être pas couronnés de succès. En fonction de la puissance et de la qualité du chant, la femelle va évaluer les caractéristiques de cet éventuel reproducteur. Est-il costaud, bien portant, bien nourri? La réponse se trouve dans la qualité du chant et dans son déploiement. Ce que l'on n'entend pas, par contre, c'est que notre Lernaeca est une sorte d'athlète de course de fond. Tout en chantant, ce grillon tourne sur lui-même, puis saute, puis chante en tournant, puis effectue un nouveau bond. Un comportement propre au Lernaeca est très rare chez les grillons. Il peut parcourir des dizaines de mètres en 2 heures, faire une pause, puis repartir dans sa course éperdue. Difficile pour la femelle de repérer un mâle. À moins de passer son temps à courir après lui, activité bien dangereuse en plein jour, alors que les prédateurs rôdent. Raison pour laquelle la Lernaeca femelle reste immobile, tranquille au soleil et attentive. Cela, tant que le mâle s'égosille et se déplace. Elle attendra donc qu'il ait fini de chanter pour le repérer et se déplacer. Rien ne sert de courir, il faut arriver à point. Pas si bête, une chronique de Céline Duchesnay, avec la complicité de Laure de Sutter et de la Sonothèque du Muséum National d'Histoire Naturelle. Réalisation, Laurent Polleret.